une partie de moi, une partie de ma vie, une partie de ma vision des choses, interlude, ok. Je me présente, moi c'est Djibril, je n'ai aucun fan. Pas besoin de bling bling pour faire briller mon âme. Je porte le prénom d'un ange, donc je le rejoins de paradis. J'espère que j'aurai de la chance et que Dieu va me sourire. Même si le chétan essaye de pervertir mes pensées, il me pousse à la faute, veut me faire commettre des péchés. Sachez que la voix du miséricordieux est en nous tous. Quelle que soit ta croyance, Dieu croit en vous tous. Chacun des livres qu'il nous a laissés est écrit par sa main. Le Coran, la Bible, la Torah nous montrent le droit chemin. J'avance serein, sans vraiment pratiquer de religion. Un ange m'a touché quand j'ai ce genre d'inspiration. Moi je crois en tous les prophètes, Jésus, Mahomet, Moïse. Ouais ouais, je suis pour la paix en terre promise. On est tous frères, tous descendants d'Adam et Ève. Avec l'aide de Dieu, je demande une trêve. On est tous frères, donc pourquoi se faire la guerre? Il est temps d'arrêter de faire parler le revolver. Je veux t'entendre crier avec moi, unité. Tu savais pas que Djibril était pour la paix? Black, blanc, beurre, juif, musulman, chrétien, on est tous pareils, on est tous humains. Mon rap est unique, mystique et ma conscience. 16 novembre 89, voici ma date de naissance. Je suis né à Créteil en France, c'est là que tout a commencé. Une mère juive, un père musulman, on peut dire que je suis un baiser. Quand j'étais petit, je jouais à chat pour toucher tout le monde. Maintenant j'écris, je rappe et j'investis les ondes. Souvent je sonde les étoiles en quête de messages. J'ai cru lire en elle qu'il fallait que je reste sage. Pour nager dans le bonheur, il faut rester humble et simple. Sous satisfaire du nécessaire, tes échecs faut plus les craindre. J'écris des textes pour vaincre ma timidité. Je parle pas beaucoup, le rap me permet de m'exprimer. Il m'a touché en fin 2006, depuis je l'ai plus lâché. Grâce à lui je t'ai fait parvenir des messages et des idées. Je tire mes lyrics et je te frappe en plein cœur. C'est peut-être prétentieux, mais je le suis moins que d'autres à peur. L'humeur, c'est mon moteur, aussi changeant qu'une girouette. Soit heureux, soit vénère, selon ce que j'ai dans la tête. On vit tous avec en soi des douleurs profondes. Rien ne sert de te morfondre, même quand elle t'inonde. Même si la vie est dure, je te jure qu'il faut s'accrocher. Je regarde plus, j'étais de 20h, ça m'a trop démoralisé. Une partie de moi, pour mieux me connaître. Interlude.